suis tombé nu sur la plage brûlante. Mais j'ai forgé mes armes dans la terre grondante. Le vent me souffle, ce monde est cruel. Alors je trace ma route, poussière éternelle. J'entends des pas silhouettes dans la nuit. Un autre homme nu, mais la faim le détruit. Je tends ma lance, son souffle s'arrête. Premier sang versé, ma loi s'apprête. Et les cris des bandits font vibrer l'acier. Mais j'avance droit, cow-boy d'un autre temps. Russe m'appartient, je tue en chantant. Lève ton fusil, vise le ciel. La mort sauvage, c'est lui l'infini. First blood tombé, mais d'autres viendront.